Chapitre 3e. Francine est encore dans son atelier, mais elle ne peint pas. Elle a les mains oisives, des yeux de fièvre, un cœur élancé vers la vie comme un oiseau vers un espace ouvert. Elle a écrit à Marcel, il a répondu, elle l'attend. Ah, comme tintera clair la sonnerie du timbre dans le silence. Dehors, autour des dalles vides, les petits jardins négligés s'étoilent de bourgeons comme s'il n'avait plus des confettis verts. À travers le mur, Francine, d'une vision fixe, aperçoit ces jardinets, cette cour déserte, que traverse peut-être en cet instant même le pas du visiteur. Le timbre vibre. La femme de chambre apporte une carte, Marcel Sauvanet. Faites entrer. Le voici. Cette année de labeur brillant, de succès, ont accentué en noblesse la physionomie de l'homme. La maturité lui sied. Francine s'intimide. Elle sent sur son propre visage le souffle décolorant des jours. Tout à l'heure, elle s'est vue si pâle, avec des yeux cernés d'ombre, sous la vague lourde des cheveux. Oh, la fraîcheur perdue de ses 20 ans. Mais de quoi va-t-elle s'inquiéter là? Peu importe qu'il la trouve changée, pour ce qu'elle se propose de lui dire. Vous pensez, j'espère, monsieur, que je ne me serais pas rappelé à vous sans un motif grave. Vous n'aviez pas à vous rappeler à moi, dit Marcel Sauvanet d'un ton pénétré. Exprime-t-il une rancune? Est-ce pure courtoisie? Davantage? Francine ne démêle pas. Troublée comme elle est, et tout de suite reprise par l'incertitude ancienne devant ce visage qui lui fut si cher, mais où elle n'a pas su lire. Elle y retrouve la même réserve hautaine. Jadis, orgueil d'amoureux pauvre, aujourd'hui peut-être, sentiment du triomphe, de la revanche. Elle croit y voir une nuance de dureté en plus. Elle prononça, et sa voix tremblait, malgré tout l'effort intérieur. Je crois accomplir un devoir. Soit que le hasard m'ait mise en présence de la vérité, soit que je vous garantisse simplement contre un piège qu'on voudrait vous tendre. Un devoir, souligna Marcel. Vous n'aviez pas besoin de me le dire. Quand vous m'avez fait la grâce de m'appeler à cette entrevue, je ne me suis pas imaginé autre chose. N'êtes-vous pas le scrupule même? N'ai-je pas de bonnes raisons pour le savoir? Est-ce un reproche? Peut-on jamais mal faire en obéissant à sa conscience? Mal faire, non. Mais faire du mal, oui. Il baissa les yeux, surpris de son propre accent, craignant d'y ajouter un regard. Un indicible émoi bouleversa Francine. Marcel ne s'était pas consolé. Mais en gardait-il de la haine? L'irrémédiable existait-il entre eux? Le peintre ne s'était pas marié. C'était tout ce qu'elle savait de lui. Mademoiselle Dalien se ressaisit. Où donc errait sa pensée? Ce n'était pas pour ressusciter les choses à jamais mortes qu'elle avait convoqué Sauvanet. Et cependant, à peine se trouvaient-ils en présence l'un de l'autre que rien n'existait plus, sinon ce lourd flot, amassé dans leurs âmes, de tout ce qu'ils avaient songé sur eux-mêmes pendant 7 ans. Leur cœur en débordait soudain. Si leurs lèvres retenaient les phrases d'ardents regrets, les cris tumultueux, c'était à cause du doute mutuel qui bandait leur fierté. Francine commença donc d'expliquer à Marcel l'histoire de Camille qui, fausse ou vraie, il ne pouvait s'empêcher de la croire vraie, était urgente à connaître pour le peintre. La délicatesse de la révélation faisait hésiter la jeune fille, mais elle n'eut pas le temps d'arriver au fait. Les yeux de son visiteur venaient de s'attacher à une toile placée en évidence dans l'atelier. Cette toile représentait une fillette blonde, vêtue d'un pauvre mais fantaisiste accoutrement et qui dansait en agitant un tambourin. L'ensemble n'était qu'ébauché, mais la figure de la petite danseuse, un peu renversée et tournée vers le spectateur, d'une exécution plus poussée, saisissait par son animation vivante. « Qu'est-ce que cela ? » s'écria Marcel sans cacher son saisissement. « Ça date de quelques années ? Ce n'est pas de vous ?»« Mais si, » dit Francine, « je l'ai fait la semaine dernière. Ce n'est même pas fini. Mon petit modèle va venir tout à l'heure. »« Extraordinaire !» murmure le peintre comme à lui-même. « Quoi donc ?» Francine, avec lui, s'approcha du chevalet, ne craignant plus maintenant d'observer intensément cet expressif visage d'homme, d'y guetter les impressions. « Il retrouve, pensait-elle, sa propre ressemblance sur ses traits d'enfant. Je l'avais bien remarqué. Pas au point, cependant. »« Bon, » dit Marcel, se reprenant, « ce n'est qu'une coïncidence, mais singulière. Voulez-vous me la dire? À quoi bon ? » ?»« Elle aiderait peut-être à la révélation que je vais vous faire. » « Ce portrait a donc un rapport ?»« Oui. »« Eh bien, » reprit Sauvanet, « voici. Je n'étais qu'un rapin, il y a de ça, je ne sais pas, 13, 14 ans. J'ai eu une aventure de passage avec une petite femme de théâtre, chanteuse, danseuse, tout ce qu'on voulait. Et je me la rappelle dans un vague pas espagnol et un costume aussi vague. C'était cela tout à fait, mais d'une façon frappante. Quoi, le costume, le mouvement, tout, dit Sauvanet, avec une espèce de force émue, et comme si, dans les yeux du peintre, fixés sur le tableau, un nouveau détail à chaque minute, ressuscitait mieux le passé. Oui, ajouta-t-il rêveur, tout et particulièrement la figure, avec la différence d'âge, bien entendu, parce que ça, ce n'est pas une femme, c'est une gamine. L'autre était bien enfant aussi, pauvre gosse. Elle est morte d'une façon cruelle, prononça Francine, dans l'incendie d'un théâtre. Je vous avais donc parlé d'elle, s'écria Marcel, stupéfait. Mademoiselle Dalien secoua la tête. J'aurais pu vous avouer, reprit-il, mais c'eût été vous manquer de respect inutilement. Vous ne connaissiez pas la vie et cet épisode de la mienne ne valait pas que je troublasse votre innocence. Vous ne m'en avez rien dit. Alors, cet enfant m'a raconté. Et Francine désigna la toile. Cet enfant, mais c'est donc la fille de la pauvre créature. Sa fille ? Le cri jaillit d'un autre sentiment que la seule surprise d'une telle rencontre. Toutes les profondeurs du passé, d'un remous violent, tourbillonnèrent dans l'inconscient de cet homme, laissant affleurer d'anciens souvenirs, d'anciennes intuitions, fragments d'idées, parcelles d'observations, choses ensevelies, mais indestructibles dont se forma l'immédiat pressentiment. Marcel regarda Francine. Mademoiselle Dalien n'ajouta pas un mot. Mais sa pâleur, la gravité de son regard, s'interprétèrent pour le peintre en accord avec la brusque pensée qui venait d'éclater en lui. Elle s'échappa tout haut, cette pensée, avant qu'il essayât de la contrôler ou de la retenir. Mais son père, ce pourrait être moi. Elle le pense, dit Mademoiselle Dalien. Elle le pense, cet enfant-là. De nouveau, Marcel Sauvanet se tourna vers la peinture. Il rencontra le regard bleu, candide, le sourire encore si pur de la petite danseuse. Elle levait ses bras minces pour agiter son tambourin, et l'on voyait bien qu'elle attendait les quelques sous de la charité, car le pinceau de l'artiste n'avait rien poétisé de son pauvre déguisement. Sauvanet s'absorbait dans sa contemplation. Ainsi, dans ses jeunes yeux, dans ce sourire, dans cette grâce puérile, dans cette hasardeuse petite existence, il y avait cette idée « J'ai pour père Marcel Sauvanet ». Il était pour une créature vivante cet être si puissamment proche, lui qui se croyait loin de tous ses semblables, n'ayant aucun lien de famille, ne croyant guère à l'amitié, et ne pensant pas retrouver jamais l'amour. « Ma fille !» se disait-il en regardant la touchante image. Car le sourd travail de son inconscient, qui se continuait sans qu'il y fît effort, multipliait l'épreuve secrète. Il rompit le silence. « Pourquoi n'est-elle pas venue à moi ? Qui lui a donné l'idée de s'adresser à vous ? » demanda-t-il à Mademoiselle Dalien. Francine ne répondit pas tout de suite, car Marcel lui avait adressé cette question sans quitter du regard le chevalet, et une involontaire jalousie lui serrait le cœur à constater quel intérêt le peintre éprouvait immédiatement pour la petite inconnue. Sans douter de sa loyauté, et tout en le supposant capable d'une décision généreuse, elle s'était attendue à une protestation de prime abord, comme 9 hommes sur 10 en auraient eu, puis, à la résolution de s'informer minutieusement, et même hypothèse admise, à la manifestation du plus sérieux ennui. Mais son fiancé d'autrefois paraissait presque oublier ce fait émouvant qu'il était là, chez elle, après tant d'années, devant cet autre fait, qu'il pouvait être le père d'une enfant de hasard. Elle souffrit. Elle resta silencieuse. Le peintre se tourna vers elle. « Francine, dit-il, voyez dans quelle solitude vous avez laissé mon cœur. J'en suis réduit à souhaiter que cette singulière histoire se confirme, que cet enfant, dont je ne sais rien, soit la mienne, pour avoir au moins l'illusion d'une tendresse. « Serait-ce vrai ? » s'écria la jeune fille. « Vous en doutez ? Comment, vous, Marcel, vous que le succès a comblé, qui pouvez choisir votre bonheur parmi tout ce qui est enviable, vous, vous regretteriez ? Mon bonheur, c'était vous, Francine. Je n'en pouvais avoir d'autre. Moi, peut-être ? Tel que j'étais quand j'ai fait la folie de vous éloigner, à 20 ans, avec mon petit prestige d'enfant élégante, gâté. Vous ne connaissiez rien. Vous pouviez être séduit par ma fraîcheur d'âme et de visage. On vous a dit que je l'étais par votre fortune. Je ne l'ai pas cru, Marcel. On vous a parlé de mes péchés de jeunesse. Le voilà peut-être, mon péché, fit le peintre avec un sourire vers le portrait de Camille. Mais je vous jure que je l'ignorais, au moins dans ses conséquences. Marcel, pourquoi n'êtes-vous pas revenu ? Francine, pourquoi ne m'avez-vous pas rappelé ? Quand ma pauvre maman est morte, quand je me suis trouvé seul et libre, j'ai pensé qu'il était trop tard. Pourquoi ? J'avais eu tous les torts, je n'osais pas, et puis, j'étais presque ruiné. Je n'étais plus jeune, plus joli. Francine, ne blasphémez pas ! Oh ! Elle était sincère dans son doute d'elle-même, mais il sut combattre ce doute avec des paroles si persuasives que Francine reprit confiance dans son propre charme, qui s'en doubla aussitôt. Francine, ma Francine retrouvée, dit Marcel, sera-t-il possible que de nouveau vous me jugiez indigne de vous ? Moi ? S'écria la jeune artiste, dont la physionomie se transfigurait dans la joie et l'amour. Certes, vous auriez maintenant une bonne raison. Laquelle ? Cet enfant que je vous apporte, avec les tares possibles de ses premières années. Mais, dit Francine, je vous en apporte une aussi. Marcel Sauvanet recula en pâlissant. La mienne est plus petite. Elle n'a que 7 ans, ajouta Francine en appuyant malicieusement sur le chiffre. 7 ans ? Balbutia l'amoureux, atterré. L'époque où vous vous promettiez à moi ? Ce n'est pas possible, Francine. Voyons, répéta-t-il moins tragiquement, ce n'est pas possible. Car il voyait le rire trembler au coin aigu des lèvres si jolies qu'il recommençait à désirer comme autrefois. Elle ne compta plus l'irrésistible éclat de gaieté. « Cependant, dit-elle, si j'adopte votre fille, il vous faudra bien adopter la mienne. » Alors elle raconta comment vivait Camille et pourquoi cet admirable enfant refusait de se faire reconnaître par un père riche pour ne pas abandonner sa petite sœur. « Le seul moyen de tout arranger, conclut Francine, « c'est que si vous voulez me faire la maman de la grande, moi, je vous fasse le papa de la petite. Je la réclame, nous aurons 2 filles. »« En attendant les fils, » ajouta Marcel, qui lui baisa la main. À ce moment, la musique d'un orgue de barbarie éclata dans la cour. Des chocs de tambourins et de castagnettes scandaient les mesures de la valse. « Venez voir, » dit Francine. « Non, non, » fit Marcel en se raidissant. « Appelez-les, appelez la femme. Je veux que cela cesse, tout de suite. » Mais Mademoiselle Dalien secoua sa tête sérieuse et charmante. « Venez, » insista-t-elle, « il faut regarder la vie, toute, toute. » Il se laissa entraîner dans le salon voisin. Près l'un de l'autre, à travers la mousseline des rideaux qui les cachaient, ils virent danser les 2 fillettes. Les petits pieds sautaient en mesure, sous les courtes jupes rouges, un peu indifférents et là, car aucune fenêtre ne s'ouvrait. La femme tournait la manivelle de l'orgue. Le pavé de la cour luisait par place d'une pluie récente. Dans les jardins noirs frissonnaient les bourgeons, comme un vol de confetti d'hiver. Marcel enlaça Francine d'une nerveuse étreinte. « Ah ! » murmura-t-il. « Quel miracle vous aurez fait, ma Francine ! Quel miracle pour nous et pour ces 2 enfants !»« Non, » dit-elle, « c'est l'amour qui a fait le miracle. Lui seul, en fait. Il m'a inspiré de relire vos lettres, et un jour, par hasard, j'en ai déchiré une pour jeter 2 sous à ces pauvrettes. Voilà pourquoi j'ai retrouvé votre tendresse et pourquoi ces petites auront des parents. Quel mystère ! Le destin est impénétrable à notre esprit, mais on dirait qu'il est quelquefois docile à notre cœur. » Ainsi s'achève L'aumône de Francine par Daniel Le Sueur.